de City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présenté par Jérôme. Bonsoir et bienvenue dans Music and the City, l'émission en direct sur Fadjet, chaque lundi soir de 19h30 à 20h. Une demi-heure de musique venue tout droit de tous les horizons, de tous les âges et également de tous les artistes. Et ce soir, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose et qui me tient vraiment à cœur. Si vous êtes aujourd'hui trentenaire ou quadragénaire, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Club Dorothée et de tout l'univers d'AP Productions dans les années 80 et 90. Alors ce soir et en musique, je vous propose un revival de ces tendres années Club Do avec des artistes que vous avez adulés sans modération. Et à commencer par Hélène Rollès, la star de la sitcom Hélène et les garçons. Pour vous, j'ai choisi le titre « Je n'ai pas fait exprès » tiré de son tout dernier album de 2016. Si vous êtes un inconditionnel de la nouvelle série « Les mystères de l'amour », alors vous connaissez cette chanson. Et pour les autres, bonne découverte. Nous sommes ensemble jusque 20h dans une spéciale AB Production. Bonne écoute à tous. Music and the City sur Fadjet. Qui dit Hélène et les garçons dit forcément Premier baiser. L'une des premières sitcoms d'AB Productions mettant en scène la petite Justine et tous ses états d'amour de collégienne. 320 épisodes qui nous ont fait rêver après les cours chaque soir sur TF1. Et surtout, un générique inoubliable chanté par Emmanuel. Souvenez-vous. Quand c'est artistes oubliés reviennent dans Music and the City. On enchaîne avec Christophe Ripper et Un amour de vacances pour la spéciale AB Productions. On est ensemble jusqu'à 20h. Le parfum enivrant de l'été entre ses mains nous a bercés. Dans l'abîme de tes yeux passionnés, belle et fragile, tu m'as entraîné. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin. h 20h, Music and the City sur Fadjet. Petit coup de cœur cette semaine pour une spéciale AB Productions. Lorsque l'équipe aux commandes du succès d'Hélène et les garçons décide de remettre la série au goût du jour, ce sont les mystères de l'amour qui arrivent sur nos écrans en 2011. Aujourd'hui, déjà 17 saisons au compteur et plus de 400 épisodes. Alors là, vous seriez amené à penser qu'Hélène reste la chouchoute du public dans cette nouvelle série. Eh bien, détrompez-vous. La nouvelle génération est bien présente en la personne d'Elsa Esnou, qui campe le rôle de Fanny Grayson depuis la saison 2. Un personnage qui a pris de l'ampleur avec les années et qui est aujourd'hui l'un des préférés des fans de la nouvelle série. Derrière la femme se cache une chanteuse avec deux albums déjà disponibles, produits entre autres par Jean-Luc Azoulay, alias Jean-François Pori, alias le papa de l'univers AB Productions bien évidemment. Et c'est avec une reprise d'Emmanuel que je vous invite à découvrir cette jeune artiste. Elsa Esnou avec le titre « Parce que c'est toi » dans la spéciale AB Productions de Music and the City sur Fadjet. « comme un torrent de lave, esclave des flammes qui brûlent, consument sans jamais s'épuiser. Tu es entré dans ma vie, dans mes jours, dans mes nuits, pour brûler, consumer tout ce que j'étais. Parce que c'est toi qui as mis toute cette musique en moi, parce que c'est toi qui fais chanter mon corps encore mieux que ma voix, parce que c'est toi qui m'a donné la rage d'aimer, parce que c'est toi qui as fait une femme de l'enfant que j'étais. Tu es ma vie, mon âme, je ne suis que femme, caresse, tendresse, tristesse quand tu t'en vas. Je suis flamme quand tu me prends, poussière quand tu me rends, et ma chair et mon sang on the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. Vous en voulez encore de la chanson d'amour ? Non, parce que c'est quand même un peu le fond de commerce de l'univers AB. Hein. Alors autant continuer sur notre lancée avec Manuela Lopez et le titre « Parce que c'était écrit comme ça ». Dorothée se prépare, hein, pas d'inquiétude, on va y venir. Hein. Vous êtes toujours sur Fadjet, dans la spéciale AB Production. Musique and the City, bien évidemment, jusque 20h. Pourquoi? Et quand tu m'as souri... 19h30, 20h, Music and the City. Évadez-vous vers d'autres horizons musicaux sur Fadjet avec Jérôme. Les jumelles de la sitcom Premier Baiser ont décidé de mettre un peu de musique. C'est parti. Tu te sens triste et solitaire, perdu sous cette immense terre. C'est comme ça, tu ne peux. and the City sur Fadjet. L'émission se termine avec les sœurs Ever, Ever et Ever pour Mets un peu de musique dans ta tête. Et oui, l'émission est terminée. Donc une spéciale Club Dorothée, j'avais tellement envie de vous la faire. Mais avant de se quitter, parce qu'on ne peut pas se quitter sans entendre une chanson de notre reine mère Dorothée. Et vous avez été nombreux à voter sur le Facebook de l'émission. J'avais lancé un sondage entre deux chansons. Et celle qui est choisie, c'est Les Neiges de l'Himalaya. C'est votre sélection. C'est vous qui aviez le pouvoir pour cette dernière chanson de l'émission de ce soir. Et on va clôturer, comme il se doit, cette spéciale AB Productions ensemble. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même animateur. Dorothée, c'est à vous. Et on vous embrasse. Et surtout, on embrasse Monsieur Jean-Luc Azoulay, le créateur de tout l'univers AB Productions, qui nous fait rêver depuis plus de 30 ans. Merci à lui. Bonne soirée à tous sur Fadjet, à la semaine prochaine. Les neiges de l'Himalaya et les montagnes du Guatemala, les volcans de l'Annapurna et les rapides de l'Arizona, du Venezuela et le grand désert blanc du Kamchatka, tout cela ne m'empêchera pas d'arriver jusqu'à toi. Les gorges du Colorado, fantôme de l'Eldorado, la jungle folle de Bornéo et les récifs de la baie de Rio, le froid du Kilimandjaro et tous les pièges du Mato Grosso.